Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Notre émission aujourd'hui va vous présenter non seulement un livre très riche, une pratique relativement peu connue, mais qui s'avère, ce livre le démontre, d'une grande importance au Moyen-Âge, et enfin, elle va être, si j'ose dire, dominée par un des grands personnages du Moyen-Âge, Satan, le diable. Et cet ouvrage, c'est l'exorcisme des possédés dans l'Église d'Occident du Xe au XIVe siècle, édité par les éditions Brépols et écrit par Florence Chave-Mahir, qui est évidemment présente à cette émission. Florence Chave-Mahir appartient au laboratoire de recherche histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux à Lyon, et son interlocutrice est en même temps la grande historienne de la parole au Moyen-Âge, de la prédication, Nicole Berrioux, qui est directrice de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du Centre national de la recherche scientifique. Florence Chave-Mahir, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet ? J'ai été amenée à l'exorcisme par une première recherche qui portait sur l'image du diable dans les peintures murales de l'arrière-pays niçois au XVe siècle. Et à certains endroits, le diable avait été gratté, à une période inconnue et par des inconnus évidemment. Ces grattages, je m'étais demandé s'il ne s'agissait pas de sortes d'exorcismes dans l'image. Et il s'agissait d'une maîtrise, j'avais envie de poursuivre mes recherches, et je me suis posé la question de savoir si un travail avait été fait sur le sujet. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à faire là-dessus, et je me suis engagée sur cette recherche de longue haleine. Bon, c'est bien donc le diable qui vous a... C'est bien sûr le diable qui m'a attiré à écrire ce beau livre. Et vous lui avez rendu justice, car il est omniprésent, mais en même temps toujours vaincu, parce que c'est l'exorcisme qui est la pratique victorieuse. Vous commencez votre ouvrage en racontant une histoire telle que la raconte une grande abbesse du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, petite ville de l'Allemagne de l'Ouest. Voudriez-vous raconter rapidement cette histoire à nos auditeurs pour, si j'ose dire, les mettre dans le bain? Il s'agit d'une jeune femme, Sigewise, qui était noble et qui a été frappée de possession assez tôt dans sa vie. Alors elle a été amenée de sanctuaire en sanctuaire et les prêtres qui ont été confrontés à son cas n'ont pas véritablement su résoudre la situation et ont fait appel à Hildegarde de Bingen, en particulier l'abbé de Brauweiler s'est adressé à elle par l'intermédiaire de lettres. Et Hildegarde de Bingen a expliqué comment faire face à cette jeune fille. Elle l'a reçue et elle a dû rédiger un rituel d'exorcisme, un ordo d'exorcisme, pour tenter de la guérir. Cette guérison a été très très longue. Elle a impliqué de mettre en œuvre tout un dispositif d'exorcisme pour aboutir à une victoire, mais très longue. Ce qui a permis de souligner l'importance du pouvoir d'Hildegarde de Bingen contre le démon. Nicole Berrioux, qu'est-ce que c'est un possédé ou une possédée ? Eh bien, d'abord, je suis très frappée par le fait que Florence Chave-Mahir vient d'utiliser à l'instant le terme de guérison. Elle a dit que Hildegarde voulait guérir cette personne. Et ce qui nous met immédiatement en relation avec tout le champ de la maladie. Mais le terme par excellence par lequel on va désigner le possédé à l'époque médiévale, c'est le mot d'énergumène. Le terme est extrêmement fréquent, vient du grec. Il est cependant, nous savons tous, évidemment, nous utilisons ce terme aujourd'hui, mais dans un sens tout à fait différent. Mais disons que c'est un terme tout à fait utilisé volontiers dans ce sens. À quoi va s'ajouter un mot qui vient du latin et qui est celui, en latin, obsessus, c'est-à-dire l'obsédé. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce mot médiéval, il y a l'idée de siège, du siège d'une ville, du siège d'une forteresse, ce qui veut dire que le diable assiège l'homme, mais qu'il n'y rentre pas toujours. Oui, ceci est passionnant parce que nous voyons comment des termes fréquents dans le langage actuel sont les dérivés affaiblis de termes qui ont eu une force et une puissance très grande au Moyen-Âge. Dans ce que vous nous avez raconté, Florence Surmaïr, on voit déjà quelque chose qui, je crois, sera très importante dans les problèmes de la possession et de l'exorcisme. L'exorcisme, on l'a compris, c'est le fait de faire sortir le diable du corps du possédé, et c'est le corps. Par conséquent, c'est un des éléments important de cette histoire, et c'est un des phénomènes qui nous permet aujourd'hui d'avoir un point de vue, il y en a d'autres, mais un point de vue sur la vision du corps humain au Moyen-Âge. Alors, cette pratique de croire que des hommes ou des femmes peuvent être possédés par des personnages diaboliques, méchants, existent depuis assez longtemps. Ils ne deviendront dépossédés et soumis à l'exorcisme qu'avec le christianisme à partir des 3e, 4e siècles. Mais on les rencontre dans d'autres religions sans doute marginales, mais qui ont joué un rôle assez grand dans l'histoire et n'en ont pas complètement disparu. Ce sont les chamans. Le chamanisme existait déjà au Moyen-Âge, dans des contrées lointaines. Ils ont été aperçus par certains frères dominicains qui ont voyagé à l'autre bout de la terre. Mais il y a un grand écart qui peut être souligné entre le chamanisme qui consiste à mobiliser les démons pour les faire parler de manière volontaire tout en les contrôlant, et la possession diabolique au Moyen-Âge, où l'on a finalement un possédé qui est une sorte de victime du démon qui semble s'emparer de sa parole pour pouvoir s'exprimer. Il me semble donc qu'on peut plutôt souligner l'écart qui existe entre le chamanisme, qui existe encore aujourd'hui, et la possession médiévale, qui est considérée un petit peu comme une punition. Bien sûr. Et si nous regardons vers le personnage qui a dominé, on peut le dire, la pensée médiévale et la théologie médiévale, Saint-Augustin, à l'aube du Moyen-Âge, quel était son point de vue ? Il a considéré la possession comme une folie. Il l'a assimilé à une folie. Alors, nous allons retrouver ce problème des rapports entre le corps, le mental, la maladie, la folie et la possession, qui est fondamentale pour l'idée de la possession médiévale et des pratiques de l'exorcisme. Donc, ce problème et votre livre le traite en ayant mise en valeur toute la richesse que nous apporte l'examen de ce phénomène, dont vous montrez le côté primordial pour la connaissance du Moyen-Âge, car il met en valeur les rapports entre l'imaginaire et la réalité, le bien et le mal, et nous montre en action ce grand personnage qu'est le diable, qui a été au fond, d'ailleurs l'Église l'appelait lui-même ainsi, l'ennemi, c'est le grand ennemi de la société médiévale. Alors, vous avez, par ailleurs, comme tout historien et historienne, eu recours à des sources. Quelles sont les principales sources pour connaître ce qu'était au Moyen-Âge la possession et l'exorcisme ? Alors, je suis bien évidemment partie des sources liturgiques, et en particulier du pontifical romano-germanique qui, au Xe siècle, donne un certain nombre de formules qui permettent de connaître la façon dont on s'adressait au diable lorsqu'on était un clerc. Mais j'ai aussi utilisé des sources liturgiques qui racontent les vies des saints. J'ai aussi eu recours à l'iconographie qui nous montre les images de la possession et les gestes, parfois figés, mais que l'on peut imaginer, que les saints pouvaient opposer aux démons et aux possédés. Quelques textes narratifs très rares évoquent la possession ou l'exorcisme, et j'en ai fait moisson, bien sûr. Je n'ai pas donné de limite à ma recherche dans les sources, car il m'a semblé qu'un tel sujet relativement peu fréquent, peu évoqué en particulier au cœur du Moyen-Âge, avait besoin d'être alimenté par un très grand nombre de sources et les plus variées possibles, ainsi que provenant de régions les plus diverses de l'Occident chrétien. Comme les historiens et les historiennes, votre étude s'étend sur une certaine durée. Votre étude s'étend comme, disons, les bons historiens le font maintenant habituellement, sur la longue durée qui permet de mieux voir un phénomène dans ses transformations, dans la longue durée. Mais vous vous êtes arrêté sur une période. Vous indiquez qu'il y a deux pôles principaux, l'un donc au 4e, 5e, 6e siècle, parce que la possession apparaît alors dans le cadre de la conversion des païens, et il y a une sorte de première, je dirais presque, synthèse autour de la possession et de l'exorcisme chez un des fondateurs, on peut dire, de la pensée médiévale, qui est Isidore de Séville, à la fin du 6e, début du 7e siècle. Qu'est-ce qu'il a apporté, Isidore ? Il apporte une formule assez décisive et intéressante sur l'exorcisme. Il nous donne une définition importante en disant que l'exorcisme est un sermon de gronderie adressé au diable. Et il insiste donc par cette formule sur le côté agressif et sur la menace que l'exorciste va prononcer à l'égard du diable. Alors l'exorcisme est bien aussi une prière adressée à Dieu. C'est la conjonction de ces deux forces, bien sûr, qui va permettre de mettre en fuite le démon. Mais c'est ce sermon de gronderie qui permet déjà de définir l'exorcisme au VIe siècle. Oui, nous voyons bien quel est ce rôle fondamental d'Isidore de Séville qui permet de mieux définir ce qui préoccupe l'Église et les fidèles et qui, par ailleurs, est surtout connu par son livre sur les étymologies, où il a cherché, ce qui est aussi un pilier du savoir, la signification des phénomènes et des personnes à travers leur nom, à travers le terme qui les définit. Mais il y a, nous allons en parler dans un instant, l'apparition d'un ouvrage essentiel au Xe siècle. C'est le pontifical romano-germanique. C'est pour cela que, dans votre titre, votre étude commence vraiment au Xe siècle et elle s'arrête avant ce que vous définissez le second pôle de ce phénomène, qui est la transformation et en même temps l'exaspération de ces phénomènes avec la naissance de la chasse aux sorcières. Mais là, vous êtes, et je suis d'accord avec vous, plutôt d'accord avec Alain Moureau qu'avec les historiens précédents, qui faisaient débuter la chasse aux sorcières enfin, au XIVe et surtout au XVe siècle. Et Alain Moreau, je crois, a montré que c'est au tournant du XIIIe au XIVe siècle et dans les sommes scolastiques elles-mêmes que l'on voit la vraie naissance de la déontologie. Par conséquent, comme cette période va aboutir à une nouveauté d'une très grande importance dans votre sujet, qui est l'apparition d'un livre consacré spécialement à l'exorcisme, votre étude s'arrête en fait au XIVe siècle. Alors, posséder, nous en avons un peu parlé. Exorcistes, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Qui étaient les exorcistes ? Il s'agissait de clercs. À partir du IIIe, IVe siècle, ils ont été ordonnés. Il s'agissait des ordres mineurs. Tout clerc, au Moyen-Âge, a été nommé exorciste pendant une assez courte période de sa vie. Et il a donc un pouvoir, un spiritus imperium, contre les démons. Il a donc tout clerc est donc en mesure de se battre contre les démons à l'occasion d'un exorcisme. Et dans la réalité des faits, on peut supposer quand même que les clercs confirmés, comme les prêtres ou les évêques, pratiquaient véritablement les exorcismes plutôt que les apprentis qu'étaient censés être les exorcistes. On a d'ailleurs des grands exemples d'exorcistes qui sont des saints, qui tout en construisant leur ordre, ont accompli des exorcismes spectaculaires qui ont conforté leur action. En fait, le premier exorciste, c'est le Christ, puisque c'est dans les évangiles que nous apprenons comment il a été lui-même assailli dans le désert par Satan et comment il a réussi à être vainqueur de Satan. Par conséquent, les exorcistes sont, si je peux dire, les descendants du Christ lui-même, ce qui renforce, enrichit encore, me semble-t-il, l'importance de cette pratique et la signification de la possession et de l'exorciste. Le Christ est un modèle pour les exorcistes, mais aussi le roi Salomon, qui a une place beaucoup plus ambiguë et qui a peut-être aussi beaucoup moins été évoqué par rapport à cette fonction d'exorciste. Il aurait été le premier à avoir rédigé des exorcismes, mais sa place est assez ambiguë au Moyen-Âge, puisqu'il est à la fois un mage, un inventeur de l'exorcisme, mais aussi un inventeur de formules magiques et de toute une branche assez mystérieuse de la magie médiévale. Oui, et j'ai été très intéressé par ce qui est plus qu'un détail, parce que m'étant intéressé dans mes recherches à la tradition de Salomon au Moyen-Âge, je me suis aperçu avec étonnement que dans l'ensemble, il est plutôt diabolisé que admiré comme le grand personnage qu'il est dans l'Ancien Testament. Nicole Berriou. Vous avez même écrit qu'on pouvait le considérer comme le Faust du Moyen-Âge. Nous voyons des exorcistes à l'œuvre. Vous venez de parler de Saint-Bernard. Nous avons vu le cas de Saint-Norbert de Xanten, qui est très intéressant, parce que non seulement le personnage est celui d'un saint important, mais c'est en même temps le fondateur d'un ordre, l'ordre des prémontrés. Vous nous avez aussi parlé de Guillaume de Malmesbury. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Il raconte, à travers le récit d'une vie de saint, un exemple de possédé particulièrement spectaculaire qui est retranché dans quasiment une quasi-animalité. On voit un personnage qui ne mange plus comme un être humain, qui se comporte quasiment comme un animal, et il est tout à fait surprenant. Et là alors, on peut s'appuyer sur ce texte, vous avez d'ailleurs employé vous-même le mot, pour montrer et expliquer dans la pratique l'exorcisme médiéval comme une scène de théâtre. Et alors, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs rapidement en quoi consistait ce théâtre ? Au XIIe siècle, les récits d'exorcisme prennent dans certaines vies de saints, en particulier dans celles de Norbert de Xanten, Hildegard de Bingen ou Saint Bernard de Clairvaux, une très grande ampleur. Ils font l'objet de récits très longs et le moment de l'exorcisme est décrit avec beaucoup de détails et d'applications, avec une véritable mise en scène, avec un suspense. L'exorciste prend à partie ce démon qui se démène à l'intérieur du possédé, qui essaye de se débattre, qui se défend, qui utilise des formules pour essayer d'échapper à ces paroles d'exorcisme qui sont des véritables aiguillons contre lui. Et ce récit est très long et fait l'objet d'une telle mise en scène que l'on se demande quel est le but de cette opération. Est-ce que c'est pour mettre en valeur la puissance du saint ou est-ce que c'est au contraire pour montrer ses limites et son incapacité à venir à bout du démon ? Probablement, évidemment, que dans ces cas-là, il s'agit d'une façon de valoriser la puissance de ce saint qui est exorciste et qui parfois est remis en cause dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec l'exorcisme. Par exemple, Saint Norbert de Xanten est violemment pris à partie par des proches lorsque l'exorcisme intervient et la victoire qu'il accomplit contre le diable montre à quel point il est saint et montre à quel point il a sa place comme chef de son ordre. Nous allons donc écouter ce récit relativement long de cet acte théâtral qu'est l'exorcisme décrit par Saint Norbert de Xanten, fondateur au XIIe siècle de l'ordre des prémontrés. Après quelque temps, Norbert s'absenta pour aller apaiser quelques guerres privées. Avec son premier compagnon, celui qu'il avait momentanément quitté, il arriva à Nivelles. Il se trouvait là des personnes que la grâce de la conversion lui avait autrefois amenées, mais que la règle austère de son ordre et de ses institutions avait rebutées et qu'il avait quittées. Pour lui nuire, elles affectèrent de ne pas le voir, ni d'écouter ses prédications et tentaient de détourner de lui la faveur populaire. Cette malice fut bientôt déjouée. Dieu permit qu'un des habitants de la ville ait une fille possédée du démon depuis une année. Avec des pleurs et des gémissements, il la présenta à l'homme de Dieu pour qu'il la guérisse. Plein de compassion pour son chagrin, le serviteur de Dieu revêtit l'aube et l'étole et lut un exorcisme sur cet enfant qui avait déjà 12 ans. Au moment où il lisait sur sa tête les évangiles, le démon moqueur répondit « Toutes ces sornettes, je les ai déjà entendues, mais ni pour toi, ni pour d'autres, je ne sortirai de cette demeure. En fait, à qui céderai-je ? » Les colonnes de l'église s'écroulent. Le prêtre, multipliant les exorcismes, le diable ajouta « Tu n'obtiens rien parce que tu n'as pas encore abjuré par le sang éclatant des martyrs. » Un peu plus tard, pour montrer sa science, il récita par la bouche de la jeune fille le cantique des cantiques en entier et le reprenant mot à mot, il le traduisit en français puis en allemand alors que l'enfant, avant sa maladie, n'avait appris que le psautier. Le prêtre le pressait toujours de sortir de la créature de Dieu, mais le démon annonça « Si tu me chasses d'ici, laisse-moi entrer dans ce moine. » Et il le nomma. « Écoutez, lança Norbert au peuple, la malice de ce démon qui, pour accuser le serviteur de Dieu, demande de le maltraiter comme s'il était un pécheur digne de ce supplice. Mais ne vous scandalisez pas, car sa méchanceté est si grande qu'il voudrait faire du tort à tous les gens de bien et les offenser tant qu'il peut. » Cela dit, il commença son office avec plus d'insistance encore. « Que cherches-tu à faire ? » dit le démon. « Aujourd'hui, je ne m'en irai, ni pour toi, ni pour un autre. S'il m'arrivait de crier, alors plusieurs de mes diables, et les plus noirs, viendraient au combat, au combat, au combat. Je vais faire tomber les arcades et les voûtes sur vous. » À ces mots, le peuple s'enfuit, mais le prêtre resta inébranlable. Alors, la jeune fille jeta la main à son étole pour l'étrangler. Ceux qui étaient encore présents voulurent qu'elle fasse ce qu'elle peut. Ayant entendu cela, sa main se relâcha aussitôt. Le jour touchant à sa fin, Norbert conseilla de la plonger dans de l'eau exorcisée, et ceci fut fait. Comme elle avait une magnifique chevelure blonde, le prêtre craignit que le diable en fasse un objet de sa puissance et la fit couper. Indigné de cette injure, le diable accabla le prêtre d'outrage. « étranger venu de France, que t'ai-je fait là-bas? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Que tous les maux, que tous les drames, que toutes les infortunes pèsent sur toi qui me persécutes sans raison ?» Il se faisait tard, et le père Norbert, voyant ne pas être venu à bout du démon, en conçut de la tristesse. Il ordonna de rendre la jeune fille à son père et de la ramener à la messe du lendemain. Il se dévêtit alors de son aube et de tous les autres vêtements de la messe, tandis que le démon continuait de proférer ses insultes. « Ah, tu n'as pas fait aujourd'hui œuvre qui vaille devant Dieu. Tu as perdu ta journée !» Rentré à l'hospice, le père Norbert décida de ne pas manger tant que la jeune fille ne serait pas guérie. Il passa le jour et la nuit sans nourriture. Le lendemain était arrivé et le prêtre de Dieu se prépara à célébrer les mystères de la messe. On amène alors la jeune fille en présence d'un peuple très nombreux pour assister au dénouement de l'événement. Norbert demanda à deux frères de tenir la jeune fille non loin de l'autel. C'est pourquoi, la messe ayant été commencée, on en vint à l'évangile qui fut lu, posé sur la tête de la fillette. Moqueur, le démon répéta qu'il avait maintes fois entendu la chanson. À la fin du canon, tandis que le prêtre élève l'hostie, le démon s'exclama « Regardez, regardez, c'est son petit Dieu qu'il tient dans ses mains !» En effet, les démons croient ce que nient les hérétiques. Le prêtre de Dieu en frémit. Et ayant invoqué l'esprit de vérité avec tant de ferveur dans sa prière qu'il commença à agir contre le démon. Celui-ci s'exclama « je brûle, je me meurs, je veux partir, laissez-moi aller !» Les frères, tenant fortement la fillette, l'esprit immonde s'enfuit, laissant comme trace de son passage une urine tout à fait infecte, et abandonna le vase qu'il possédait. Délivrée de son bourreau, elle fut ramenée chez son père dans une faiblesse extrême. Dès qu'elle eut mangé, on la revit, indemne, en pleine possession de ses facultés, et en parfaite santé. Tout le peuple, témoin de ce miracle, loua Dieu d'un même cœur et, en dépit des censeurs, reconnut Norbert pour un véritable apôtre. Je reviens maintenant, si vous voulez bien, à cette date essentielle, selon vous, et vous avez certainement raison, qui est en même temps la date du vrai démarrage de votre livre, 10e, 14e siècle, qui est ce pontifical romano-germanique, composé, si je ne m'abuse, à Mayence, dans la seconde moitié du 10e siècle. Qu'est-ce qui fait de lui un texte aussi essentiel ? Il est essentiel dans la mesure où il rassemble, de façon homogène, à l'intérieur d'un de ce pontifical, justement, toute une section consacrée à l'exorcisme des possédés. En recherchant dans les ouvrages antérieurs, je me suis rendu compte que tous ces textes étaient issus de la liturgie du baptême, puisque dans une première partie de l'histoire, les baptisés étaient exorcisés, libérés de leurs démons avant de pouvoir devenir de bons chrétiens. Alors, toutes ces formules ont été rassemblées dans le pontifical romano-germanique au Xe siècle pour pouvoir probablement être utilisées sur les possédés. On a donc une transformation du sens. On passe d'un exorcisme destiné à des païens à un exorcisme destiné à des hommes et des femmes qui sont chrétiens, mais qui ont été assaillis pour des raisons inconnues par le diable. Vous avez cité d'importants exorcistes et des textes importants sur l'exorcisme au XIIe siècle, et pourtant vous indiquez que à partir du milieu, à peu près du XIIe siècle, il y a une certaine tendance à ce que l'on trouve qu'il y ait moins d'allusions à la possession et à l'exorcisme dans les textes. Nicole Berryhou, est-ce que vous partagez ce sentiment et l'explication qu'en donne Florence Chavahir ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire aussi, pour compléter l'évocation du pontifical romano-germanique, que ce livre, c'est le livre de l'évêque. Nous en avons conservé de nombreux exemplaires dans les bibliothèques épiscopales, mais en revanche, il est probable qu'on circulait aussi des petits livres qui étaient des extraits confiés aux prêtres permettant de pratiquer ces rituels d'exorcisme localement, et que, comme toujours, ces petits livrets qui n'étaient pas reliés et qui étaient laissés comme ça un petit peu à l'abandon de temps en temps se perdaient, et donc nous n'en avons plus la trace. Donc il y a un problème de documentation. Mais ce qui est certain, c'est que si nous regardons la documentation conservée, sans aucun doute, cette grande production hagiographique dans laquelle les saints sont montrés en train de pratiquer les exorcismes change au XIIIe siècle, et à ce moment-là, le discours se déplace. Oui. Et je vous signalais, je crois aussi, qu'il y a davantage de femmes que d'hommes possédés à partir de cette période. Tout à fait. Le XIIe siècle semble être un siècle plutôt, dans la géographie en tout cas, on trouve à la fois des hommes et des femmes qui sont possédés, même si les récits concernant les possessions féminines sont plus longs. À partir du XIIIe siècle, et en particulier dans la géographie de Saint François, il semble apparaître une sorte de césure où l'on voit vraiment le nombre de femmes basculer et devenir plus important. Ça me semble aussi, comme beaucoup, malheureusement, de pratiques médiévales, avoir un sens ambigu, parce que, d'une part, c'est attirer davantage l'attention sur les femmes, mais c'est peut-être montrer que, descendantes d'Ève, elles sont plus prédestinées à subir l'assaut du diable, comme Ève l'avait fait et y avait succombé. Également, pour conclure un peu sur cette période du XIIe siècle, il me semble important de noter que les analyses qu'a données Florence Chave sur ces grands récits nous montrent qu'ils ne se produisent pas de manière inopinée dans l'histoire de l'Église, mais qu'il y a une chose à quoi on n'avait pas songé avant de la lire, c'est que ces exorcistes interviennent dans un contexte de déchirure sociale, en quelque sorte, qui est souvent, du point de vue religieux, lié au schisme. Et le cas de Bernard de Clairvaux est tout à fait spectaculaire. Les exorcismes de Bernard ont lieu pendant une période de schisme et ils aboutissent à une affirmation de la foi, à la proclamation collective de la foi par les fidèles présents et en même temps à une recomposition de l'unité de l'Église. Donc il y a véritablement là quelque chose de très important. L'exorcisme devient un moyen pour les clercs de, au fond, de reconstituer l'unicité de l'Église, ce que montre remarquablement aussi, d'une autre façon, l'illustration de couverture sur laquelle je voudrais simplement attirer d'un mot l'attention. Florence Chave a choisi la représentation d'un exorcisme par le pape Léon IX. On voit le pape en posture bénissante sur la gauche de l'image, portant une crosse, vêtu comme un évêque, d'ailleurs à ce moment-là, début du XIe. Et on voit en face de lui un homme désarticulé dont la bouche grande ouverte fait émerger un diable poilu à trois têtes. Mais ce qui est intéressant dans cette image, qui est donc l'affrontement entre deux individus, c'est qu'en réalité, le parchemin a été déchiré et que cette déchirure est désormais recousue, comme s'il y avait là une image symbolique de l'Église déchirée que l'exorcisme contribue en quelque sorte à reconstituer. Merci pour cette remarque très importante, Nicole Berriou, et qui renforce ce que je disais de l'importance de cet ouvrage, parce que il touche et éclaire davantage et mieux beaucoup des événements et des postures essentielles du Moyen-Âge. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander si ce relatif affaiblissement de la présence de possédés et d'exorcistes ne se place pas dans ce qu'au fond vous venez de décrire, Nicole Berriou, et que l'on appelle la réforme grégorienne? Oui, et on a aussi affaire, par rapport à ce thème, à la question fondamentale qui m'a un petit peu hantée pendant toutes ces années de recherche, qui est de savoir quelle est la réalité de la pratique de l'exorcisme et ne s'agit-il pas d'une image, d'un imaginaire de l'exorcisme qui n'était pas forcément pratiqué. On a des récits très longs qui racontent des exorcismes spectaculaires sans avoir toujours de traces archéologique dans les sources de cette pratique. Qu'en est-il ? Je n'ai pas totalement résolu le problème parce que je n'ai pas véritablement trouvé les sources me permettant d'y répondre. Nous arrivons maintenant au XIIIe siècle, que l'on considère habituellement, je crois qu'on a raison, comme l'apogée du Moyen-Âge et en tout cas qui est le théâtre de nouveaux événements. Et ces nouveaux événements vont avoir leur effet sur l'évolution de la possession et de l'exorcisme. C'est, d'une part, ce que nous avons, Jean-Claude Schmitt et moi, appelé une parole nouvelle, mais qui a surtout été mise en valeur et magnifiquement étudiée par Nicole Berriou. Et nous avons la naissance de ces personnages nouveaux dans l'Église que sont les frères franciscains et dominicains, parce que ce sont des frères situés dans les villes, accomplissant leur apostolat et spécialement leur prédication dans les villes et sur les routes éventuellement, et non plus en campagne et dans l'itinérance. Et je vais donc m'adresser à Nicole Berriou pour lui demander ce que les franciscains et les dominicains apportent au problème de la possession et de l'exorcisme. J'ai envie de dire qu'il faut revenir au fond à la définition que donnait Isidore de Séville, ce fameux sermon de Gronderie. sermon au sens de parole, parole qui sert à remettre dans le droit chemin. Et je dirais que c'est ce qui fait un petit peu le fil conducteur et nous permet de comprendre comment on glisse au XIIIe siècle vers de nouvelles formes d'exorcisme qui sont vues comme telles à travers le langage et le langage métaphorique. Ce ne sont plus les mêmes rituels que ceux qu'on avait auparavant, mais cela reste aussi des manifestations publiques, collectives ou des sacrements. Manifestation publique et collective, c'est la parole de prédication qui est représentée comme aussi donc une façon de préparer à ce rite sacramentel devenu fondamental au XIIIe siècle, puisque exigé de tout bon chrétien, à savoir le sacrement de pénitence qu'on appelle plus commodément et plus habituellement la confession, parce que c'est justement un aveu. Or, qu'est-ce que c'est que la parole du diable, si ce n'est la reconnaissance justement qu'il possède l'homme et donc un aveu. Donc il y a là une translation vers une autre forme de vie religieuse. À quoi s'ajoute le raidissement dans l'Église qui se traduit aussi toujours par cette volonté d'unité, c'est-à-dire que l'on va rejeter aux marges ceux qui ne respectent pas la foi affirmée et professée par l'Église. Et c'est le grand développement de cette dichotomie entre les bons croyants et les hérétiques. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi, bien entendu, les inquisiteurs qui entrent dans le nouveau paysage de l'Église. Et que font ces inquisiteurs, si ce n'est pourchasser le diable qui possède, en quelque sorte, qui obsède les hérétiques. Florence de Charmahir, parmi ces inquisiteurs, ceux, si j'ose dire, qui se distinguent au XIIIe siècle, ce sont surtout des dominicains. Est-ce que vous ne pourriez pas, après la remarquable vue d'ensemble que nous a donnée Nicole Berriou, un peu préciser ce qui, vis-à-vis de la possession et de l'usage de l'exorcisme, sépare les franciscains des dominicains? Je dirais que le diable est plus présent dans le monde dominicain. Il a même envahi certains couvents dominicains, tels que nous le racontent en particulier des récits de Jourdain de Saxe au XIIIe siècle, qui montrent un diable omniprésent et harcelant les frères, comme s'il s'agissait d'une mise à l'épreuve de chacun de ses frères avant qu'ils aient à faire leur œuvre d'inquisiteur. Dans le monde franciscain, c'est très différent. Saint François est peu confronté au diable, en tout cas directement. Il fait un exorcisme à distance lors de ce fameux exorcisme représenté dans la fresque d'Arezzo. Et il est par contre représenté dans les images comme un grand saint exorciste. Alors il y a un véritable écart, une grande différence entre le monde dominicain et le monde franciscain par rapport à ce sujet. Oui. D'ailleurs, de façon générale, on le sait, il y a eu au Moyen-Âge des visions très différentes de la personnalité et de la spiritualité de Saint François. Et on le voit à nouveau ici, c'est entre des extrêmes. Nicole Berriou. Je crois qu'on peut aussi dire pour les dominicains que s'ils sont les ennemis personnels, je puis dire, du diable, c'est que au fond, ils reconnaissent dans le diable un maître de vérité. Et que précisément, eux sont au service de la vérité, ce sont des grands intellectuels, et qu'il y a là une sorte d'affrontement constant, en quelque sorte, pour maîtriser l'ennemi par excellence qui sait la vérité, qui déclare la vérité, et qui est capable donc, mieux que tous les croyants, de dire ce qui est le vrai, mais de manière perverse. Et donc, c'est évidemment le premier de leurs ennemis. Nous arrivons maintenant, il est vrai, en accélérant un peu le déroulement de l'histoire, à la dernière partie de cette histoire, en tout cas la dernière qui concerne le Moyen-Âge, car l'histoire de la possession et de l'exorcisme a, après le Moyen-Âge, encore, si j'ose dire, un bel avenir, en particulier au XVIIe siècle. Et vous me disiez que aujourd'hui encore, le phénomène n'a pas disparu de nos sociétés, même si, évidemment, il y tient une moins grande place et moins spectaculaire qu'au Moyen-Âge. Le phénomène est moins visible, mais il semble que les diocèses de France se sont dotés ces derniers temps d'exorcistes, d'une part, et d'autre part, depuis 2004, Jean-Paul II, à l'époque, avait fait rédiger un nouveau rituel d'exorcisme pour servir à ses prêtres qui étaient sollicités pour en faire. Ça signifie donc évidemment qu'il y a une demande provenant probablement des populations immigrées venues d'Afrique ou d'autres. Je n'ai pas approfondi les recherches sur le monde contemporain, mais il s'agit d'un véritable besoin que l'on peut à peu près dater des années 1990 pour des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Donc il y a une actualité de l'exorcisme, elle est probablement moins médiatisée qu'à l'époque, mais elle est une préoccupation de l'Église en tout cas. En même temps, comme nous avons, je crois, déjà fait allusion, mais c'est un phénomène important, il y a au tournant du XIIIe au XIVe siècle l'apparition, on peut dire, d'un nouveau genre, la démonologie. Et Alain Bourreau, j'ai présenté d'ailleurs dans une de ses émissions la traduction et la présentation par Alain Bourreau de la longue partie de la somme théologique de Richard de Mediavilla à la fin du XIIIe siècle, tout entière consacrée aux démons. Car c'est aussi une des richesses, me semble-t-il, de cette histoire, c'est de voir que tous les principaux acteurs et systèmes concernant la possession et l'exorcisme évoluent. Et la nature du diable et des démons, comme la personnalité de l'exorciste, évolue, ainsi que les diverses pratiques. Je voudrais encore, avant que nous abandonnions ce beau sujet, poser une question à Nicole Berriot, puisque nous avons la chance de l'avoir avec nous. Est-ce que ce thème, possession et exorcisme, a tenu une grande place dans la prédication médiévale? Il tient une place un peu inattendue dans la mesure où les prédicateurs s'en servent sous la forme de métaphores principalement, pour montrer précisément que la maladie est à l'œuvre dans les pécheurs qui doivent se convertir et que précisément l'une des façons dont on se représente le possédé, c'est l'homme malade. Donc il y a là toute une série de relations qui sont exploitées et qui font que, bien sûr, les prédicateurs s'emparent de ce sujet avec simplement le truchement du langage. Et il y a d'autre part, ce qui est tout aussi important, et vous le savez mieux que quiconque, toute la place que tiennent dans ces sermons des prédicateurs les récits, les anecdotes assorties de morale, que l'on appelle les exemplats, et évidemment dans lesquels, du fait de l'importance narrative, le diable et l'exorcisme sont extrêmement présents. Avant de conclure définitivement ce débat, je voudrais présenter à nos lecteurs un autre texte, choisi par Florence Chave-Mahir. C'est un texte dû à un personnage dont on a beaucoup parlé dans cette émission. C'est Guillaume de Malmesbury, dans la geste des évêques d'Angleterre au XIIe siècle. Un paysan du voisinage, de Malmesbury, connu des moines et de la ville, en proie au souffle du pire des démons, en était torturé. Vis-à-vis de ceux qui se tenaient près de lui et qu'il ne pouvait atteindre, il grinçait des dents et à ceux qui étaient plus proches, il donnait des coups de pied et de poing. Contre ceux qui se trouvaient à distance, il émettait des jets de salive. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le faisait tournoyer en guise de projectile. La fureur lui faisait trouver des armes de sorte que personne ne pouvait s'approcher de lui impunément sans risquer d'être blessé. De plus, prononçant des paroles insensées, il émettait des propos iniques, même à l'adresse des corps célestes. Sortant de sa seule bouche, on entendait des voix diverses et confuses, de sorte qu'on aurait pu penser tantôt à un chien aboyant, tantôt à un bœuf mugissant, tantôt à un hibou par un cri perçant. Il engloutissait dans le gouffre de son ventre des nourritures qui n'avaient rien d'humain et qu'aucune cuisson n'avait préparées. Sa folie avait aiguisé ses dents au point qu'il mordait le plus facilement tout ce qui était os, bois, fer, réduisant cette voracité et cette digestion difficile en un seul rot, il rejetait, réduit en une légère fumée, tout ce qu'il avait ingurgité. Les voisins de cette sorte d'homme, ébranlés par cette calamité, tinrent conseil et décidèrent de l'emmener au lieu saint. La folie s'opposait à ce que cela se fît et il était nécessaire de le ligoter. La chose était donc en suspens parce qu'à cause de sa fureur, il ne pouvait être ligoté. Personne, de quelque vigueur reconnue fût-il, n'aurait essayé de l'enserrer dans des liens sans risque de se faire arracher la tête. De fait, la nécessité fit trouver un remède, à savoir que des cordes ayant été tendues, elles fassent obstacle à ses pieds là où l'aurait porté son élan. Enlacé par cette ruse, il fléchit devant cette astuce qui l'emportait sur la force. Alors, nous arrivons maintenant à la conclusion. Et, comme je le fais habituellement, je vais demander en une ou deux phrases que chacune d'entre vous nous donne un mot de conclusion. Nicole Berry. J'ajouterai simplement à ce qui est dit que, pour moi, l'intérêt du sujet est aussi le rapport au corps, et éventuellement aux relations entre le corps et l'âme, que tout ce sujet est susceptible de nous montrer. On est donc vraiment dans une dimension anthropologique qui reste jusqu'à aujourd'hui à travers au moins la grande production cinématographique autour de l'exorcisme. Et je crois que là, en remontant au Moyen-Âge, on le perçoit magnifiquement bien. Oui, nous avions commencé à en dire un mot au début, nous le retrouvons à la fin. Je crois que c'est quelque chose de fondamental, qu'à un niveau différent, j'avais essayé moi-même d'étudier à travers un autre phénomène qui a fait problème au Moyen-Âge, le rire. Donc, le rapport entre le corps et l'âme, le bien et le mal, ça reste fondamental. Florence Chavahir. Pour ma part, ma conclusion sera une ouverture vers des recherches à venir. Il y a encore beaucoup de livres d'exorcisme qui datent, que je n'ai pas étudiés et qui datent du XVe siècle et que j'aimerais beaucoup pouvoir, si j'ai du temps, étudier et approfondir pour voir quelles sont les formes prises par l'exorcisme dans ces livres qui, pour certains d'entre eux en tout cas, mêlent des formulaires magiques et des formules d'exorcisme orthodoxes, en quelque sorte. Et cette façon de mélanger les genres dans les livres d'exorcisme qui apparaissent au XVe siècle me semble tout à fait passionnante et digne de peut-être beaucoup d'autres livres. Écoutez, je suis ravi d'entendre ce projet. Je pense que tous les médiévistes, tous ceux qui s'intéressent au Moyen-Âge et tous ceux qui s'intéressent à ce type de phénomène qui, au départ, peut apparaître marginal, on découvre en les étudiant qu'ils sont au fond centraux. Et ma conclusion, eh bien, je vous l'emprunterai, Florence Chabmaïr, vous dites bien que la possession et l'exorcisme sont au centre de l'immense entreprise de contrôle de la société par l'Église et par l'État au XIIIe, XIVe siècle. Et pour terminer, nous allons écouter un extrait de ce fameux pontificat romano-germanique qui est véritablement à la fois une source et un moment tout à fait central dans cette riche histoire. Un jeûne de 40 jours et 40 nuits est organisé pour celui qui est tourmenté par le démon. La première semaine, il jeûnera chaque jour jusqu'au soir et mangera alors du pain froid cuit sous la cendre, fait avec du sel et de l'eau bénie, et il boira de l'eau bénite. Les 5 semaines suivantes, il ne mangera rien d'autre sauf, au 3e jour, du pain cuit avec du lard cuit la nuit, et pendant 3 nuits, il aura de la cervoise, et s'il a du vin, il en boira, mais de sorte à n'être jamais ivre. Ensuite, le prêtre sera envoyé vers le malade. Il lui donnera à boire de l'eau avec du sel béni, et de l'absinthe pour le faire vomir. Il se lavera les mains, le visage, les pieds et tous les membres du corps avec de l'eau bénite seulement pendant 6 semaines. Il ne mangera pas l'herbe des jardins, ni des légumes, ni quoi que ce soit qui aura été tué ou qu'il aura vu tuer. Il ne devra aller auprès d'un animal crevé, ni auprès d'un homme mort, et ne devra voir aucun cadavre pendant 40 jours et 40 nuits. Passé ces 40 jours, il reviendra auprès du prêtre et il fera une pure confession de tous ses péchés. Il entendra la messe, recevra la communion et fera sa prière, car, selon l'apôtre, la prière du fidèle sauve le malade. À la fin, on lui ordonnera de ne pas goûter deux genres de poissons, la tanche et l'anguille, et on lui ordonnera d'éviter tout animal et tout volatile. Et s'il a strictement observé ce jeûne, avec la prière et la pure confession, nous croyons en la miséricorde de Dieu et nous pensons vraiment, avec confiance, que le Seigneur le libérera de toutes les atteintes diaboliques. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff, avec Florence Chabmaïr, dont on a discuté le beau livre récemment paru chez Brébols sur l'exorcisme des possédés au Moyen-Âge, et avec Nicole Berriou, directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS. Les textes ont été, selon l'habitude, lus par la belle voix de Jean-Pierre Leroux. La prise de son était de Marc Garbonnef. La réalisation, bien entendu, était de notre ami Franck Lille. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richaud.